9h05. Hey, ça a l'air que le maire Jean Tremblay à Saguenay a pété une petite coche. On va écouter ça. Ça s'est brossé hier. C'est toi qui as monté ça, Jonathan. Assemblée du conseil de ville. Je vous explique. Semblerait-il que c'est pas nécessairement facile pour le maire Tremblay d'avoir d'opposition. Il y a deux conseillères d'opposition que l'on va entendre dans cet extrait-là. Mais il y a aussi le président du parti d'opposition qui était dans la salle et qui s'est levé à un moment donné et qui s'est fait dire de façon peut-être un peu cavalière de se rasser. Mais le gars, il a été battu aux élections, là, si je me trompe pas. Ce Grimard-là, il s'est présenté, il a été battu. Puis là, il s'en va au conseil, puis il pose des questions à la période des questions des citoyens. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. T'as été battu, là. Sans dire que t'as plus de droit, là. Les citoyens ont dit que c'est Jean Tremblay qui devait runner la ville. T'as le droit, comme citoyen, d'aller poser des questions, mais c'est clair qu'il y a un jeu politique mais derrière ça. Mais c'est ta charne partisan aussi. Partisan un peu, là. On va écouter ce que ça va donner. Oui. On écoute. C'est pas tellement de votre affaire. Est-ce que vous avez besoin de moi? Je suis disponible. Ça, c'est comme les députés du Parti libéral. Ils se proposent tous pour être ministres, mais Mme Marouane n'a pas nommé. C'est moi, président. Allez vous asseoir, là. Quand vous serez maire, vous viendrez. Là, vous ne l'êtes pas. Allez vous asseoir. Je vais aller m'asseoir. Je suis scandalisée de la manière que vous avez répondu à José Néron. Puis à M. Grimard. C'est inacceptable. L'opposition va faire une mise au point, là. Vous runnerez pas à ville. Vous n'êtes pas content de l'attitude du président puis du conseil municipal. Ben ça, là, nous autres non plus, on n'est pas content du vôtre, là. Mais l'opposition a le droit de s'exprimer, poser des questions, challenger, mais en bout de ligne, tu viens d'être battu en plus. Tu sais, les élections datent de quelques mois, là. C'est Jean Tremblay qui est rentré mur à mur, super fort encore. Faut que tu prennes ton trou un petit peu. Et à Saguenay, il y a un dossier qui est un peu épineux présentement, c'est qu'ils ont décidé de déplacer la séance du conseil municipal, non plus le soir, mais le midi. Donc, il y a des gens qui, par exemple, disent, ben nous, on aimerait ça suivre qu'est-ce qui se passe, on aimerait ça se présenter, sauf que c'est impossible pour nous, on travaille sur l'heure du dîner, donc on peut pas s'y présenter, sauf que c'est le maire qui en a décidé ainsi avec son conseil de déplacer le conseil municipal sur l'heure du midi.